en Islande, chapitre 40. Brûle donc qui voudra sous ces feux couverts. Brantôme. Ma fille, ouvrez cette fenêtre. Ces vitraux sont bien sombres. Je voudrais voir un peu le jour. Voyez le jour, mon père. La nuit approche à grands pas. Il y a encore des rayons de soleil sur les collines qui bordent le golfe. J'ai besoin de respirer cet air libre à travers les barreaux de mon cachot. Le ciel est si pur. Mon père, un orage vient derrière l'horizon. Un orage est-elle? Où le voyez-vous? C'est parce que le ciel est pur, mon père, que j'attends un orage. Le vieillard jeta un regard surpris sur la jeune fille. Si j'avais pensé cela dès ma jeunesse, je ne serais point ici. Puis il ajouta d'un ton moins ému. Ce que vous dites est juste, mais n'est pas de votre âge. Je ne comprends point comment il se fait que votre jeune raison ressemble à ma vieille expérience. Ethel baissa les yeux, comme troublée par cette réflexion grave et simple. Ses deux mains se joignirent douloureusement, et un soupir profond souleva sa poitrine. « Ma fille, dit le vieux captif, depuis quelques jours vous êtes pâle, comme si jamais la vie n'avait échauffé le sang de vos veines. Voilà plusieurs matins que vous m'abordez avec des paupières rouges et gonflées, avec des yeux qui ont pleuré et veillé. Voilà plusieurs journées, est-elle, que je passe dans le silence, sans que votre voix essaie de m'arracher à la sombre méditation de mon passé. Vous êtes auprès de moi plus triste que moi. Et cependant, vous n'avez pas, comme votre père, le fardeau de toute une vie de néant et de vide qui pèse sur votre âme. L'affliction entoure votre jeunesse, mais ne peut pénétrer jusqu'à votre cœur. Les nuages du matin se dissipent promptement. Vous êtes à cette époque de l'existence où l'on se choisit dans ses rêves un avenir indépendant du présent, quel qu'il soit. Qu'avez-vous donc, ma fille? Grâce à cette monotone captivité, vous êtes à l'abri des malheurs imprévus. Quelle faute avez-vous commise? Je ne puis croire que ce soit sur moi que vous vous affligiez. Vous devez être accoutumé à mon irrémédiable infortune. L'espérance à la vérité n'est plus dans mes discours. Mais ce n'est pas un motif pour que je lise le désespoir dans vos yeux. En parlant ainsi, la voix sévère du prisonnier s'était attendrie, presque jusqu'à l'accent paternel. Ethel, muette, se tenait debout devant lui. Tout à coup, elle se détourna d'un mouvement presque convulsif, tomba à genoux sur la pierre et cacha son visage dans ses mains, comme pour étouffer les larmes et les sanglots qui s'échappaient tumultueusement de son sein. Trop de douleur gonflait le cœur de l'infortunée jeune fille. Qu'avait-elle donc fait à cette fatale étrangère pour lui révéler le secret qui détruisait toute sa vie? Hélas! Depuis que le nom de son ordinaire lui était connu tout entier, la pauvre enfant n'avait pas encore pu livrer ses yeux au sommeil, ni son âme au repos. La nuit, elle n'éprouvait d'autre soulagement que celui de pouvoir pleurer en liberté. C'en était donc fait. Il n'était point à elle, celui qui lui appartenait par tous ses souvenirs, par toutes ses douleurs, par toutes ses prières. Celui dont elle s'était crue l'épouse sur la foi de ses rêves. Car la soirée où Ordener l'avait si tendrement serré dans ses bras n'était plus dans sa pensée que comme un songe. Et en effet, ce doux songe, chacune de ses nuits le lui avait rendu depuis. C'était donc une tendresse coupable que celle qu'elle conservait encore, malgré elle, à cet ami absent. Son ordinaire était le fiancé d'une autre. Et qui peut dire ce qu'éprouva ce cœur virginal quand le sentiment étrange et inconnu de la jalousie vint s'y glisser comme une vipère? quand elle s'agita pendant les longues heures de l'insomnie sur son lit brûlant, se figurant son ordinaire, peut-être en ce moment même, dans les bras d'une autre femme, plus belle, plus riche et plus noble qu'elle. Car, se disait-elle, j'étais bien folle de croire qu'il avait été chercher la mort pour moi. Ordener est le fils d'un vice-roi, d'un puissant seigneur. Et moi, je ne suis rien qu'une pauvre prisonnière, rien que l'enfant méprisé d'un proscrit. Il est parti, lui qui est libre, est parti sans doute pour aller épouser sa belle fiancée, la fille d'un chancelier, d'un ministre, d'un orgueilleux comte. Mais il m'a donc trompé, mon ordener. Oh Dieu, qui m'eût dit que cette voix pût tromper? Et la malheureuse Estelle pleurait et pleurait encore. Et elle voyait devant ses yeux son ordener, celui dont elle avait fait le dieu ignoré de tout son être. Cet ordener paré de l'éclat de son rang, marchant à l'autel au milieu d'une fête et se tournant vers l'autre avec ce sourire qui était jadis sa joie. Cependant, au sein de son inexprimable désolation, elle n'avait pas un moment oublié sa tendresse filiale. Cette faible fille avait fait les plus héroïques efforts pour dérober son malheur à son infortuné père. Car c'est ce qu'il y a de plus douloureux dans la douleur que d'en comprimer l'explosion extérieure. Et les larmes qu'on dévore sont bien plus amères que celles qu'on répand. Il avait fallu plusieurs jours pour que le silencieux vieillard s'aperçût du changement de son Estelle. Et les questions presque affectueuses qu'il venait de lui adresser avaient enfin fait jaillir tout à coup ses larmes trop longtemps renfermées dans son cœur. Le père regarda quelque temps sa fille pleurer avec un sourire amer et en secouant la tête. « Estelle, dit-il enfin, toi qui ne vis pas parmi les hommes, pourquoi pleures-tu ? » Il achevait à peine ces paroles que la noble et douce fille se releva. Elle avait, par je ne sais quelle puissance, arrêté les larmes dans ses yeux qu'elle essuyait avec son écharpe. « Mon père, dit-elle avec force, mon seigneur et père, pardonnez-moi, c'était un moment de faiblesse. » Puis elle leva sur lui des regards qui s'efforçaient de sourire. Elle alla au fond de la chambre chercher Leda, vint se rasseoir près de son père taciturne et ouvrit le livre au hasard. Alors, calmant l'émotion de sa voix, elle se mit à lire. Mais sa lecture inutile passait sans être écoutée, ni d'elle, ni du vieillard. Celui-ci fit un geste de la main. « Assez, assez, ma fille !» Elle ferma le livre. « Est-elle ? » ajouta Schumacher. « Songez-vous encore quelquefois à ordinaire ?» La jeune fille interdite tressaillit. « Oui, continua-t-il, à cet ordinaire qui est parti. « Mon seigneur et père, interrompit Estelle, pourquoi nous occuper de lui ? Je pense, comme vous, qu'il est parti pour ne pas revenir. » « Pour ne pas revenir, ma fille, je n'ai pu dire cela. Je ne sais quel pressentiment m'avertit au contraire. « Qu'il reviendra. » Telle n'était point votre pensée, mon noble père, quand vous me parliez avec tant de défiance de ce jeune homme. En ai-je donc parlé avec défiance ? Oui, mon père, et je me range en cela de votre avis. Je pense qu'il nous a trompés. Qu'il nous a trompés, ma fille ? Si je l'ai jugé ainsi, j'ai agi comme tous les hommes qui condamnent sans preuve. Je n'ai reçu de cet ordinaire que des témoignages de dévouement. Et savez-vous, mon vénérable père, si ces paroles cordiales ne cachaient pas des pensées perfides ? D'ordinaire, les hommes ne s'empressent point autour du malheur et de la disgrâce. Si cet ordinaire ne m'était point attaché, il ne serait pas ainsi venu dans ma prison sans but. Êtes-vous sûr ? Reprit-elle d'une voix faible. Qu'en venant ici, il n'ait eu aucun but ? Lequel ? Demanda vivement le vieillard. Estelle se tut. L'effort était trop grand pour elle de continuer à accuser le bien-aimé ordinaire qu'elle défendait autrefois contre son père. « Je ne suis plus le comte de Griffenfeld, » poursuivit celui-ci. « Je ne suis plus le grand chancelier de Danemark et de Norvège, le dispensateur favori des grâces royales, le tout-puissant ministre. Je suis un misérable prisonnier d'État, un proscrit, un pestiféré politique. C'est déjà du courage que de parler de moi sans exécration à tous ces hommes que j'ai comblés d'honneurs et de biens. C'est du dévouement que de franchir le seuil de ce cachot, s'il n'en est pas un geôlier ou un bourreau. C'est de l'héroïsme, ma fille, que de le franchir en se disant mon ami. Non, je ne serai point ingrat, comme toute cette race humaine. Ce jeune homme a mérité ma reconnaissance, ne fût-ce que pour m'avoir montré un visage bienveillant et fait entendre une voix consolatrice. » Ethel écoutait péniblement ce langage, qui l'eût ravi quelques jours plus tôt, lorsque cet ordinaire était encore, dans son cœur, son ordinaire. Le vieillard, après s'être arrêté un moment, reprit d'une voix solennelle. « Écoutez-moi, ma fille, car ce que je vais vous dire est grave. Je me sens dépérir lentement. La vie se retire peu à peu de moi. Oui, ma fille, ma fin approche. » Ethel l'interrompit par un gémissement étouffé. « Oh Dieu, mon père, ne parlez pas ainsi. De grâce, épargnez votre pauvre fille. Hélas, est-ce que vous voulez l'abandonner aussi? Que deviendra-t-elle seule au monde quand votre protection lui manquera ?»« La protection d'un proscrit, » dit le père en remuant la tête. « Au reste, c'est à cela que j'ai pensé. Oui, votre bonheur futur m'occupe plus encore que mes malheurs passés. Écoutez-moi donc, et ne m'interrompez plus. Cet ordinaire ne mérite pas d'être jugé aussi sévèrement par vous, ma fille, et j'avais cru jusqu'ici que vous n'aviez point tant d'aversion pour lui. Ces dehors sont francs et nobles, ce qui ne prouve rien à la vérité, mais je dois dire qu'il ne me paraît pas peut-être sans quelque vertu, bien qu'il lui suffise de porter une âme d'homme pour renfermer en lui le germe de tous les vices et de tous les crimes. Toute flamme donne sa fumée. » Le vieillard s'arrêta encore une fois et, fixant son regard sur sa fille, il ajouta. « Averti intérieurement de l'approche de ma mort, j'ai médité sur lui et sur vous, Ethel, et s'il revient, comme j'en ai l'espérance, je vous le donne pour protecteur et pour mari. » Ethel pâlit, trembla. C'était au moment où son rêve de bonheur venait de s'envoler pour jamais que son père essayait de le réaliser. Cette pensée si amère, « J'aurais donc pu être heureuse !» vint rendre à son désespoir toute sa violence. Elle resta un moment sans pouvoir parler, de peur de laisser échapper les larmes brûlantes qui roulaient dans ses yeux. Le père attendait. « Quoi ? » dit-elle enfin d'une voix éteinte. « Vous me le destinez pour mari, mon seigneur et père, sans connaître sa naissance, sa famille, son nom ?»« Je ne vous le destinais point, ma fille. Je vous le destine. » Le ton du vieillard était presque impérieux. Ethel soupira. « Je vous le destine, dis-je, et que m'importe sa naissance. Je n'ai pas besoin de connaître sa famille, puisque je connais sa personne. Songez-y, c'est la seule ancre de salut qui vous reste. Je crois qu'il n'a heureusement pas pour vous la même répugnance que vous montrez pour lui. » La pauvre jeune fille leva les yeux au ciel. « Vous m'entendez, Ethel ? Je le répète, que me fait sa naissance ? Il est sans doute d'un rang obscur, car on n'enseigne pas à ceux qui naissent dans le palais à fréquenter les prisons. Oui, et ne manifestez pas d'orgueilleux regrets, ma fille. N'oubliez pas qu'Ethel Schumacher n'est plus princesse de Wolin et comtesse de Tongsberg. Vous êtes redescendue plus bas que le point d'où votre père s'est élevé. Soyez donc heureuse si cet homme accepte votre main, quelle que soit sa famille. S'il est d'une humble naissance, tant mieux, ma fille. Vos jours du moins seront à l'abri des orages qui ont tourmenté les jours de votre père. Vous coulerez, loin de l'envie et de la haine des hommes, sous quelque nom inconnu, une existence ignorée, bien différente de la mienne, car elle s'achèvera mieux qu'elle n'aura commencé. » Ethel était tombée à genoux devant le prisonnier. « Oh, mon père, grâce !» Il ouvrit ses bras avec surprise. « Que voulez-vous dire, ma fille ?»« Au nom du ciel, ne me peignez pas ce bonheur, il n'est pas fait pour moi !»« Ethel, reprit sévèrement le vieillard, ne vous jouez pas de toute votre vie. J'ai refusé la main d'une princesse de sang royal, d'une princesse de Holstein-Augustenbourg. Entendez-vous cela ? Et mon orgueil a été cruellement puni. Vous dédaignez celle d'un homme obscur, mais loyal. Tremblez que le vôtre ne soit aussi tristement châtié. Plutôt ciel, murmura Ethel, que ce fût un homme obscur et loyal. Le vieillard se leva et fit quelques pas dans l'appartement avec agitation. « Ma fille, dit-il, c'est votre père qui vous en prie et qui vous l'ordonne. Ne me laissez pas à ma mort une inquiétude sur votre avenir. Promettez-moi d'accepter cet étranger pour époux. » « Je vous obéirai toujours, mon père, mais n'espérez pas son retour. » J'ai pesé les probabilités et je pense, d'après l'accent dont cet ordinaire prononçait votre nom. « Qu'il m'aime !» interrompit Ethel amèrement. « Oh non, ne le croyez pas !» Le père répondit froidement. « J'ignore si, pour employer votre expression de jeune fille, il vous aime, mais je sais qu'il reviendra. » « Abandonnez cette idée, mon noble père. D'ailleurs, vous ne voudriez peut-être pas qu'il fût votre gendre si vous le connaissiez. » « Est-elle, il le sera, quel que soit son nom et son rang. »« Eh bien, reprit-elle, si ce jeune homme, en qui vous avez vu un consolateur, en qui vous voulez voir un soutien pour votre fille, monseigneur et père, si c'était le fils d'un de vos mortels ennemis, du vice-roi de Norvège, du comte de Gundelow. » Schumacher recula de deux pas. « Que dites-vous, grand Dieu ? Ordinaire ? Cet ordinaire, cela est impossible. » L'indicible expression de haine qui venait de s'allumer dans les yeux ternes du vieillard glaça le cœur tremblant d'Ethel, qui se repentit vainement de la parole imprudente qu'elle venait de prononcer. Le coup était porté. Schumacher resta quelques instants immobile et les bras croisés. Tout son corps tressaillait, comme s'il avait été sur un grill ardent. Ses prunelles flamboyantes sortaient de leur orbite, et son regard, fixé sur les dalles de pierre, paraissait vouloir les enfoncer. Enfin, quelques paroles sortirent de ses lèvres bleues, prononcées d'une voix aussi faible que celle d'un homme qui rêve. « Ordinaire, ouais, c'est cela, ordinaire Gundelow. » C'est bien. Allons, Schumacher, vieux insensé, ouvre-lui donc tes bras. Ce loyal jeune homme vient pour te poignarder. Tout à coup, il frappa le sol du pied et sa voix devint tonnante. Ils m'ont donc envoyé toute leur infâme race pour m'insulter dans ma chute et dans ma captivité. J'avais déjà vu un Alefeld, j'ai presque souri à un Gundelow. Les monstres! Qui eût dit cela de cet ordinaire, qu'il portait une pareille âme et un pareil nom? Malheur à moi, malheur à lui! Puis il tomba anéanti sur son fauteuil. Et tandis que sa poitrine oppressée se dégonflait par de longs soupirs, la pauvre Ethel, palpitante d'effroi, pleurait à ses pieds. « Ne pleure pas, ma fille, dit-il d'une voix sinistre. Viens. « Oh, viens sur mon cœur !» Et il la pressa dans ses bras. Ethel ne savait comment s'expliquer cette caresse dans un moment de rage, lorsqu'il reprit. Du moins, jeune fille, tu as été plus clairvoyante que ton vieux père. Tu n'as point été trompée par le serpent aux yeux doux et venimeux. Viens, que je te remercie de la haine que tu m'as fait voir pour cet exécrable ordinaire. » Elle frémit de cet éloge, hélas, si peu mérité. « Monseigneur et père, dit-elle, calmez-vous. Promets-moi, poursuivait Schumacher, de vouer toujours les mêmes sentiments au fils de Gundello. Jure-le-moi. Dieu défend le serment, mon père. Jure-le, ma fille, répéta Schumacher avec véhémence. N'est-il pas vrai que tu conserveras toujours le même cœur pour cet ordinaire Gundello? Ethel n'eut pas de peine à répondre. Toujours. Le vieillard l'attira sur sa poitrine. Bien, ma fille, que je te lègue au moins ma haine pour eux, si je ne puis te léguer les biens et les honneurs qu'ils m'ont ravis. Écoute, ils ont enlevé à ton vieux père son rang et sa gloire. Ils l'ont traîné d'un échafaud dans les fers, comme pour le souiller de toutes les infamies en le faisant passer par tous les supplices, les misérables. Et c'est à moi qu'ils devaient le pouvoir qu'ils ont tourné contre moi. Oh, que le ciel et l'enfer m'entendent, et qu'ils soient tous maudits dans leur existence et maudits dans leur postérité. » Il se tut un moment, puis, embrassant sa pauvre fille, épouvantée de ses imprécations, « Mais, mon Ethel, toi qui es ma seule gloire et mon seul bien, dis-moi comment ton instinct a-t-il été plus habile que le mien? Comment as-tu découvert que ce traître portait l'un des noms à Borée qui sont écrits au fond de mon cœur avec du fiel? Comment as-tu pénétré ce secret? » Elle rassemblait toutes ses forces pour répondre quand la porte s'ouvrit. Un homme, vêtu de noir, portant à sa main une verge d'ébène et à son cou une chaîne d'acier bruni, parut sur le seuil, environné de hallebardiers également vêtus de noir. « Que me veux-tu ? » demanda le captif avec aigreur et étonnement. L'homme, sans lui répondre et sans le regarder, déroula un long parchemin auquel pendait, à des fils de soie, un seau de cire verte et lut à haute voix. « Au nom de Sa Majesté, notre miséricordieux souverain et seigneur, Christian, roi, il est enjoint à Schumacher, prisonnier d'État dans la forteresse royale de Munkholm, et à sa fille, de suivre le porteur du dit ordre. » Schumacher répéta sa question. « Que me veux-tu ? » L'homme noir, toujours impassible, se mit en devoir de recommencer sa lecture. « Il suffit, » dit le vieillard. Alors, se levant, il fit signe à Ethel, surprise et épouvantée, de suivre avec lui cette lugubre escorte. Chapitre 41. Un signal lugubre est donné. Un ministre abject de la justice vient frapper à sa porte et l'avertir qu'on a besoin de lui. Joseph de Maistre. La nuit venait de tomber. Un vent froid sifflait autour de la tour maudite, et les portes de la ruine de Vigla tremblaient dans leurs gonds, comme si la même main les eût secouées toutes à la fois. Les farouches habitants de la tour, le bourreau et sa famille, étaient réunis autour du foyer allumé au milieu de la salle du premier étage, qui jetait des rougeurs vacillantes sur leurs visages sombres et sur leurs vêtements d'écarlate. Il y avait dans les traits des enfants quelque chose de féroce, comme le rire de leur père, et de hagard, comme le regard de leur mère. Leurs yeux, ainsi que ceux de Bekli, étaient tournés vers Orugix, qui, assis sur une escabelle de bois, paraissait reprendre haleine, et dont les pieds, couverts de poussière, annonçaient qu'il venait d'arriver de quelque lointaine expédition. « Femme, écoute. Écoutez. Enfant, ce n'est pas pour apporter de mauvaises nouvelles que j'ai été absent 2 jours entiers. Si, avant 1 mois, je ne suis pas exécuteur royal, je veux ne savoir pas serrer un nœud coulant ou manier une hache. Réjouissez-vous, mes petits louveteaux. Votre père vous laissera peut-être pour héritage l'échafaud même de Copenhague. » Nicole, demanda Beckley, qu'y a-t-il donc ? Et toi, ma vieille bohémienne, reprit Nicole avec son rire pesant, réjouis-toi aussi. Tu peux t'acheter des colliers de verre bleu pour orner ton cou de cigogne étranglé. Notre engagement expire bientôt. Mais va, dans un mois, quand tu me verras le premier bourreau des deux royaumes, tu ne refuseras pas de casser une autre cruche avec moi. Qu'y a-t-il donc ? Qu'y a-t-il donc, mon père ? Demandèrent les enfants, dont l'aîné jouait avec un chevalet tout sanglant, tandis que le plus petit s'amusait à plumer vivant un petit oiseau qu'il avait pris à sa mère, dans le nid même. « Ce qu'il y a, mes enfants !»« Tue donc cet oiseau, Aspar, il crie comme une mauvaise scie. Et d'ailleurs, il ne faut pas être cruel. Tue-le » !»« Ce qu'il y a ? » ?»« Rien. Peu de choses, vraiment. Sinon, Dame Beckley, qu'avant 8 jours, d'ici, l'ex-chancelier Schumacher, qui est prisonnier à Munkholm, après avoir vu mon visage de si près à Copenhague, et le fameux brigand d'Islande Han de Klipstadur, me passeront peut-être tous deux à la fois par les mains. » L'œil égaré de la femme rouge prit une expression d'étonnement et de curiosité. « Schumacher ? Han d'Islande ? Comment cela, Nicole ?»« Voilà tout. J'ai rencontré hier matin, sur la route de Skongen, au pont de Lordals, tout le régiment des arquebusiers de Munkholm, qui s'en retournait à Drontheim d'un air très victorieux. J'ai questionné un des soldats, qui a daigné me répondre, parce qu'il ignorait sans doute pourquoi ma casaque et ma charrette sont rouges. J'ai appris que les arquebusiers revenaient des gorges du Pilier Noir, où ils avaient mis en pièces des bandes de brigands, c'est-à-dire de mineurs insurgés. Or, tu sauras, Beckley la bohémienne, que ces rebelles se révoltaient pour Schumacher et étaient commandés par Han d'Islande. Tu sauras que cette levée de boucliers constitue pour Han d'Islande un bon crime d'insurrection contre l'autorité royale, et pour Schumacher un bon crime de haute trahison. Ce qui amène tout naturellement ces deux honorables seigneurs à la potence ou au billot. Ajoute à ces deux superbes exécutions, qui ne peuvent manquer de me rapporter au moins 15 ducats d'or chacun, et de me faire le plus grand honneur dans les deux royaumes, celle moins importante à la vérité de quelques autres. « Mais quoi ? » interrompit Beckley. « Han d'Islande a donc été pris ?»« Pourquoi interrompez-vous votre seigneur et maître, femme de perdition ? » dit le bourreau. « Oui, sans doute. Ce fameux, cet imprenable Han d'Islande a été pris, avec quelques autres chefs de brigands, ces lieutenants, qui me rapporteront bien aussi chacun 12 écus par tête, sans compter la vente des cadavres. Il a été pris, vous dis-je, et je l'ai vu, puisqu'il faut satisfaire entièrement votre curiosité, passer entre les rangs des soldats. » La femme et les enfants se rapprochèrent vivement de Rugix. « Quoi ? Tu l'as vu, père ? » demandèrent les enfants. « Taisez-vous, enfants. Vous criez comme un coquin qui se dit innocent. Je l'ai vu. C'est une espèce de géant. Il marchait les bras croisés, enchaîné derrière le dos et le front bandé. C'est que sans doute il a été blessé à la tête. Mais qu'il soit tranquille. Avant peu, je l'aurai guéri de cette blessure. » Après avoir mêlé à ces horribles paroles un horrible geste, le bourreau continua. Il y avait derrière lui 4 de ses compagnons, également prisonniers, blessés d'eux-mêmes, et qu'on menait comme lui à Drontheim, où ils seront jugés, avec l'ex-grand chancelier Schumacher, par un tribunal où siégera le haut syndic, et que présidera le grand chancelier actuel. Père, quel visage avaient les autres prisonniers ? Les 2 premiers étaient 2 vieillards, dont l'un portait le feutre de mineur et l'autre le bonnet de montagnard. Tous 2 paraissaient désespérés. Des deux autres, l'un était un jeune mineur qui marchait la tête haute, en sifflant. L'autre... Te souviens-tu, ma damnée Beckley, de ces voyageurs qui sont entrés dans cette tour il y a une dizaine de jours, la nuit de ce violent orage ? Comme Satan se souvient du jour de sa chute, répondit la femme. Avais-tu remarqué parmi ces étrangers un jeune homme qui accompagnait ce vieux docteur fou à grande perruque ? Un jeune homme, te dis-je, vêtu d'un grand manteau vert et coiffé d'une toque à plumes noires. En vérité, je crois l'avoir encore devant les yeux, me disant « Femme, nous avons de l'or ». Eh bien, la vieille, je veux n'avoir jamais étranglé que des coqs de bruyère si le quatrième prisonnier n'est pas ce jeune homme. Sa figure m'était, à la vérité, entièrement cachée par sa plume, sa toque, ses cheveux et son manteau. D'ailleurs, il baissait la tête. Mais c'est bien le même vêtement, les mêmes bottines, le même air. Je veux avaler d'une bouchée le gibet de Pierre de Skongen si ce n'est pas le même homme. Que dis-tu de cela, Beckley ? Ne serait-il pas plaisant qu'après avoir reçu de moi de quoi soutenir sa vie, cet étranger en reçût également de quoi l'abréger, et qu'il exerça mon habileté après avoir éprouvé mon hospitalité ? Le bourreau prolongea quelque temps son gros rire sinistre, puis il reprit. Allons, réjouissez-vous donc tous, et buvons. Oui, Beckley, donne-moi un verre de cette bière qui râpe le gosier, comme si l'on buvait des limes, que je le vide à mon avancement futur. Allons, honneur et santé au seigneur Nicole Orugix, exécuteur royal en perspective. Je t'avouerai, vieille pécheresse, que j'ai eu de la peine à me rendre au bourg de Noé pour y pendre obscurément je ne sais quel ignoble voleur de choux et de chicorée. Cependant, en y réfléchissant, j'ai pensé que 32 ascalins n'étaient pas encore à dédaigner, et que mes mains ne se dégraderaient en exécutant de simples voleurs et autres canailles de ce genre que lorsqu'elles auraient décapité le noble comte ex-grand chancelier et le fameux démon d'Islande. Je me suis donc résigné, en attendant mon diplôme de maître royal des hautes œuvres, à expédier le pauvre misérable du bourg de Noé. « Et voici, ajouta-t-il en tirant une bourse de cuir de son havresac, voici les 32 ascalins que je t'apporte, la vieille. » En ce moment, le bruit du corps se fit entendre à 3 reprises différentes en dehors de la tour. « Femme, cria Orugix en se levant, ce sont les archers du haut syndic. » À ces mots, il descendit en toute hâte. Un instant après, il reparut, portant un grand parchemin dont il avait rompu le sceau. « Tiens, dit-il à sa femme, voilà ce que le haut syndic m'envoie. Déchiffre-moi cela, toi qui lirais le grimoire de Satan. Ce sont peut-être déjà mes lettres de promotion, car, puisque le tribunal aura un grand chancelier pour président et un grand chancelier pour accusé, il conviendrait que le bourreau qui exécutera son arrêt fût un bourreau royal. » La femme reçut le parchemin, et, après y avoir quelque temps promené ses yeux, elle le lut à haute voix, tandis que les enfants jetaient sur elle un regard hébété et stupide. « Au nom du haut syndic du Drottemus, il est ordonné à Nicole Orugix, bourreau de la province, de se transporter sur le champ à Drontheim et de se munir de la hache d'honneur, du billot et des tentures noires. « C'est là tout ? » demanda le bourreau d'une voix mécontente. « C'est là tout ! » répondit Beckley. « Bourreau de province ? » murmura Orugix entre ses dents. Il resta un moment, jetant sur le parchemin syndical des regards d'humeur. « Allons, dit-il enfin. Il faut obéir et partir. Voici pourtant qu'on me demande la hache d'honneur et les tentures noires. Tu auras soin, Beckley, d'enlever les gouttes de rouille qui ont délustré ma hache et de voir si la draperie n'est pas tachée en plusieurs endroits. En somme, il ne faut pas se décourager. Ils ne veulent peut-être m'accorder d'avancement que comme salaire de cette belle exécution. Tant pis pour les condamnés. ils n'auront pas la satisfaction d'être mis à mort par un exécuteur royal. » Chapitre 42. Elvin, qu'est devenu le pauvre Sanche? Il n'a point paru dans la ville. Nuno, Sanche aura su se mettre à couvert. Lope de Vega, le meilleur alcade est le roi. Le comte d'Alefeld, traînant une ample simarre de satin noir doublée d'hermine, la tête et les épaules cachées par une large perruque magistrale, et la poitrine chargée de plusieurs étoiles et décorations, parmi lesquelles on distinguait les colliers des ordres royaux de l'éléphant et de Dannebrog, revêtu en un mot du costume complet de grand chancelier de Danemark et de Norvège, se promenait d'un air soucieux dans l'appartement de la comtesse d'Alefeld, seule avec lui en ce moment. « Allons, il est 9 heures, le tribunal va entrer en séance. » Il ne faut pas le faire attendre, car il est nécessaire que l'arrêt soit rendu dans la nuit, afin qu'on l'exécute demain matin au plus tard. Le haut syndic m'a assuré que le bourreau serait ici avant l'aube. Elfège, avez-vous ordonné qu'on apprêtât la barque qui doit me transporter à Munkholm? Monseigneur, elle vous attend depuis une demi-heure au moins, répondit la comtesse en se soulevant sur son fauteuil. « Et ma litière est-elle à la porte ?»« Oui, monseigneur. »« Allons. Vous dites donc, Elfège, ajouta le comte en se frappant le front, « qu'il existe une intrigue amoureuse entre Ordener Gundello et la fille de Schumacher ?»« Très amoureuse, je vous jure !» répliqua la comtesse en souriant de colère et de dédain. « Qui se fût imaginé cela ? Pourtant, je vous assure que je m'en étais déjà douté. » « Et moi aussi, » dit la comtesse. « C'est un tour que ce maudit levain nous a joué. »« Vieux scélérat de mes cambourgeois !» murmura le chancelier. « Va, je te recommanderai à Rensdorf. »« Si je pouvais le faire disgracier !»« Et mais écoutez donc, Elfège, voici un trait de lumière. »« Quoi donc ?» Vous savez que les individus que nous allons juger dans le château de Munkholm sont au nombre de 6. Schumacher, que je ne redouterai plus, j'espère, demain à pareille heure. Ce montagnard colosse, notre faux en Islande, qui a juré de soutenir le rôle jusqu'à la fin, dans l'espérance que Musduemon, dont il a déjà reçu de fortes sommes d'argent, le fera évader. Ce Musduemon a des idées vraiment diaboliques. Les 4 autres accusés sont les 3 chefs des rebelles et un quidam qui s'est trouvé, on ne sait comment, au milieu du rassemblement d'Apsilcort, et que les précautions prises par Musduemon ont fait tomber dans nos mains. Musduemon pense que cet homme est un espion de Levin de Knud. Et en effet, en arrivant ici prisonnier, sa première parole a été pour demander le général. Et quand il a appris l'absence du mécanbourgeois, il a paru consterné. Du reste, il n'a voulu répondre à aucune des questions que lui a adressées Musduemon. « Mon cher seigneur, interrompit la comtesse, pourquoi ne l'avez-vous pas interrogé vous-même ? En vérité, Elfège, comment l'aurais-je pu au milieu de tous les soins qui m'accablent depuis mon arrivée ? Je me suis reposé de cette affaire sur Musduemon, qu'elle intéresse autant que moi. D'ailleurs, ma chère, cet homme n'est d'aucune importance par lui-même, c'est quelque pauvre vagabond. Nous n'en pourrons tirer parti qu'en le présentant comme un agent de Levin de Knud. Et comme il a été pris dans les rangs des rebelles, cela pourra prouver entre le Malcolm-Bourgeois et Schumacher une connivence coupable qui suffira pour provoquer, sinon la mise en accusation, du moins la disgrâce du maudit Levin. La comtesse parut méditer un moment. « Vous avez raison, monseigneur, mais cette fatale passion du baron Torvik pour Ethel Schumacher... » Le chancelier se frotta le front de nouveau, puis tout à coup, haussant les épaules, « Écoutez, Elfège, nous ne sommes plus ni l'un ni l'autre jeunes et novices dans la vie, et pourtant nous ne connaissons pas les hommes. quand Schumacher aura été une seconde fois flétri par un jugement de haute trahison, quand il aura subi sur l'échafaud une condamnation infamante, quand sa fille, retombée au-dessous des derniers rangs de la société, sera souillée à jamais publiquement de tout l'opprobre de son père, pensez-vous, Elfège, qu'alors Ordener Gundello se souvienne un seul instant de cette amourette d'enfance, que vous nommez passion, d'après les discours exaltés d'une jeune folle prisonnière, et qu'il balance un seul jour entre la fille déshonorée d'un misérable criminel et la fille illustre d'un glorieux chancelier? Il faut juger les hommes d'après soi, ma chère. Où avez-vous vu que le cœur humain fût ainsi fait? Je souhaite que vous ayez encore raison. Vous ne trouverez cependant pas inutile, n'est-il pas vrai, la demande que j'ai faite au syndic pour que la fille de Schumacher assiste au procès de son père et soit placée dans la même tribune que moi. Je suis curieuse d'étudier cette créature. Tout ce qui peut nous éclairer sur cette affaire est précieux, dit le chancelier avec flegme. Mais dites-moi, sait-on où cet Ordener est en ce moment? Personne au monde ne le sait. C'est le digne élève de ce vieux Levin, un chevalier errant comme lui. Je crois qu'il visite en ce moment Vardhus. Bien, bien, notre Ulrich le fixera. Allons, j'oublie que le tribunal m'attend. La comtesse arrêta le grand chancelier. Encore un mot, monseigneur. Je vous en ai parlé hier, mais votre esprit était occupé et je n'ai pu obtenir de réponse. Où est mon Frédéric? Frédéric, dit le comte avec une expression lugubre et en portant la main sur son visage. Oui, répondez-moi, mon Frédéric. Son régiment est de retour à Drontheim sans lui. Jurez-moi que Frédéric n'était pas dans cette horrible gorge du pilier noir. Pourquoi votre figure a-t-elle changé au nom de Frédéric? Je suis dans une mortelle inquiétude. Le chancelier reprit sa physionomie impassible. Elfège, tranquillisez-vous. Je vous jure qu'il n'était point dans le défilé du pilier noir. D'ailleurs, on a publié la liste des officiers tués ou blessés dans cette rencontre. Oui, dit la comtesse calmée, vous me rassurez. Deux officiers seulement ont été tués, le capitaine Lory et le jeune baron Rentmer, qui a fait tant de folie avec mon pauvre Frédéric dans les bals de Copenhague. Oh, j'ai lu et relu la liste, je vous assure. Mais dites-moi, monseigneur, mon fils est donc resté à Wallström? Il y est resté, répondit le comte. Eh bien, cher ami, dit la mère avec un sourire qu'elle s'efforçait de rendre tendre. Je ne vous demande qu'une grâce, c'est de faire revenir vite mon Frédéric de cet affreux pays. Le chancelier se dégagea péniblement de ses bras suppliants. Madame, dit-il, le tribunal m'attend. Adieu, ce que vous me demandez ne dépend pas de moi. Et il sortit brusquement. La comtesse demeura sombre et pensive. Cela ne dépend pas de lui, se dit-elle. Et il lui suffirait d'un mot pour me rendre mon fils. Je l'ai toujours pensé. Cet homme-là est vraiment méchant.